Ésaïe chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, et qui cherchez l'Éternel, regardez au rocher duquel vous avez été taillé, et au creux de la citerne dont vous avez été tiré. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté, comment je l'ai appelé, lui étant tout seul, comment je l'ai béni, et multiplié. Car l'Éternel consolation, il consolera toutes ses désolations, et rendra son désert semblable à Éden, et ses landes semblables au jardin de l'Éternel, en elle sera trouvée la joie et l'allégresse, la louange et la voix de mélodie. Écoutez-moi donc attentivement, mon peuple, et prêtez-moi l'oreille, vous ma nation, car la loi sortira de moi, et j'établirai mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est prête, mon salut apparu, et mes bras jugeront les peuples, les îles se confieront en moi, et leur confiance sera en mon bras. Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme la fumée, et la terre sera usée comme un vêtement, et ses habitants mourront pareillement, mais mon salut demeurera toujours, et ma justice ne sera point anéantie. Écoutez-moi, vous qui savez ce que c'est de la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi, ne craignez point l'opprobre des hommes, et ne soyez point honteux de leurs reproches. Car la teigne les rongera comme un vêtement, et le ver les dévorera comme la laine, mais ma justice demeurera toujours, et mon salut dans tous les âges. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi, comme au jour ancien, au siècle passé. N'es-tu pas celui qui a taillé en pièces Rahab, et qui a blessé mortellement le dragon? N'est-ce pas toi qui as fait tarir la mer, les eaux du grand abîme, qui a réduit les lieux les plus profonds de la mer en un chemin, afin que les rachetés y passassent? Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon, retourneront, et viendront en Sion avec chant de triomphe, et une allégresse éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est moi qui vous console, qui es-tu que tu aies peur de l'homme mortel, qui mourra, et du fils de l'homme, qui deviendra comme du foin? Et tu as oublié l'Éternel qui t'a faite, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre, et tu t'es continuellement effrayé chaque jour à cause de la fureur de celui qui te pressait, quand il s'apprêtait à détruire, et où est maintenant la fureur de celui qui te pressait? Il se hâtera de faire que celui qui aura été transporté d'un lieu à l'autre, soit mis en liberté, afin qu'il ne meure point dans la fosse, et que son pain ne lui manque point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fend la mer, et les flots en bruit, l'Éternel des armées est son nom. Or j'ai mis mes paroles en ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, afin que j'affermisse les cieux, et que je fonde la terre, et que je dise à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, tu as bu, tu as sucé la lie de la coupe d'étourdissement. Il n'y a pas un de tous les enfants qu'elle enfante et qui la conduise, et de tous les enfants qu'elle a nourris, il n'y en a pas un qui la prenne par la main. Ces deux choses te sont arrivées, et qui est-ce qui te plaint, le dégât et la plaie, la famine et l'épée? Par qui te consolerai-je? Tes enfants se sont pâmés, ils ont été gisants au carrefour de toutes les rues, comme un bœuf sauvage pris dans les filets, plein de la fureur de l'Éternel, et de ce que ton Dieu les a réprimés. C'est pourquoi, écoute maintenant ceci, ô affligé, et ivre, mais non pas de vin. Ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur et ton Dieu, qui plaide la cause de son peuple, voici, j'ai pris de la main la coupe d'étourdissement, la lie de la coupe de ma fureur, tu n'en boiras plus désormais. Car je la mettrai en la main de ceux qui t'ont affligé, et qui ont dit à ton âme, courbe-toi, et nous passerons, c'est pourquoi tu as exposé ton corps comme la terre, et comme une rue aux passants.